Dans son livre blanc publié le 2 mai pour dénoncer les crimes de la bande des traîtres d'Obakuné, qui a réduit la Corée du Sud en ténèbres du Moyen-Âge, le secrétariat du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a dit « À présent, la Corée du Sud est transformée en terre ténébreuse du Moyen-Âge, où la dictature rénovée et le gouvernement répressif, barbare et fasciste de la bande des traîtres d'Obakuné, violent grossièrement la liberté politique et les droits démocratiques élémentaires. » Les activités légitimes des partis politiques, des formations et des personnalités sont réprimées sans merci. Divers milieux et diverses couches font l'objet de l'inspection politique illégale. La liberté de parole, de réunion, de manifestation et d'expression est bafouée entièrement. Voilà la réalité tragique de la Corée du Sud. Le secrétariat a dénoncé la répression fasciste inouïe perpétrée par la bande des traîtres d'Obakuné au cours du mandat et souligné. Les crimes de Bakuné qui a pris le pouvoir frauduleusement et transformé la Corée du Sud par la dictature fasciste en une immense prison, en sol privé de la démocratie et en enfer des vivants, seront absolument jugés sévèrement.